Cours numéro 48. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى ذكر الحث على سياسة الرياسة ورعاية الرعية. Le 48e chapitre من هذا الكتاب. Donc sur الحث على سياسة الرياسة ورعاية الرعية. Et concernant le fait de tenir ses responsabilités pour celui qui en a. L'importance de faire des efforts pour appliquer ما يتعلق بهذه المسؤولية. قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن قحطبة قال حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا مؤمل ابن إسماعيل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير راع على رعيته ومسؤول عنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال كلكم راع وكلكم مسؤول. Vous êtes tous ra'in et vous êtes tous mes'oul. Vous êtes tous responsables d'une ra'iyya, une responsabilité que Allah subhanahu wa ta'ala il vous a donnée. Chacun par rapport à sa situation. Fal-amiru ra'in ala ra'iyyatih. Al-amir, le gouverneur, le président, le roi, il est responsable de sa ra'iyya, de son peuple. قال ومسؤول عنهم et il aura des comptes à rendre حساب يوم القيامة par rapport à هذا الشعب par rapport à ce peuple qu'il a gouverné والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم كذلك الرجل l'homme il est responsable على أهل بيته de sa femme de ses enfants وهو مسؤول عنهم et il sera كذلك interrogé sur cette responsabilité. والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنه. كذلك la femme elle est responsable du foyer de son mari. Et elle aura des comptes à rendre. والعبد راع على مال سيده. كذلك l'esclave par rapport à son maître وهو مسؤول عنه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. شيخ ابن عثيمين له كلام جميل. Une explication très très bénéfique fi sharhihi ala riyad as-salihin par rapport à hadha al-hadith fa naqra walaw bi ikhtisar qala rahimahullah qawluhu kullukum ra'in wa kullukum mas'ul 'an ra'iyatihi al-khitab lil ummah jami'an bayna yubayyin fihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam anna kull insan ra'in wa mas'ul 'an ra'iyatihi. Ça c'est un khitab li jami' al-ummah. Et chaque membre de cette communauté, il a une responsabilité. قال والراعي هو الذي يقوم على الشيء ويرعى مصالحه. Donc c'est ça, الراعي. C'est celui qui est responsabilité d'une chose, d'une personne, d'un groupe de personnes. ويرعى مصالحه فيها. Donc il doit voir qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que ce groupe, ils ont besoin. Là, chacun d'eux, ils ont des besoins. La chacun il doit faire des efforts pour repousser le mal, un mal qui les touche. Wa hakadha haula, ils ont des devoirs. Qala wa yar'a mafasidahu fayujannibahu iyyaha kara'i al-ghanam yanzur wa yabhath 'an al-makan al-murbi' hatta yadhhab bil-ghanam ilayh. C'est pour ça que cette comparaison avec ar-ra'i kullukum ra'in. Ar-ra'i c'est le berger. Wa ar-ra'iyya, c'est son troupeau. Le berger, il doit faire attention à son troupeau. Ay min hayth, il doit faire des efforts pour مصالح هذه البهائم. Comme قال شيخ العثيمين رحمه الله عليه, il doit trouver un endroit bénéfique pour ces bêtes, pour qu'elles puissent manger, se reposer, etc. Et كذلك il doit faire attention. Il doit faire attention de préserver son troupeau contre des mafasid. Il y a des animaux qui peuvent attaquer ce troupeau. Il y a des voleurs. Les préserver كذلك contre la chaleur, contre le froid, etc. فهكذا أنت أخي الكريم, cette مسؤولية que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné, que ce soit en tant que père de famille, mère de famille ou autre. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a démontré l'importance de هذه المسؤولية. قال وينظر في المكان المجدب فلا يتركها في هذا المكان. نعم, أما une terre asséchée où il n'y a rien à manger, فهذا الراعي, il doit faire des efforts pour faciliter à ses bêtes de quoi manger. ثم قال رحمه الله ولهذا قال الأمير راع يعني هو مسؤول عن رعيته. الرجل راع لكن رعيته محصورة. Il n'y a aucun doute en la responsabilité du gouverneur. Ça fait partie des plus grandes responsabilités. Il est responsable d'une umma, d'un peuple, de millions de personnes, contrairement à un homme normal qui n'est pas gouverneur. Il aura cette responsabilité de quelques personnes, de sa famille. قال نعم وبيان قال فالأمير راع ومسؤول عن رعيته والأمراء يختلفون في نفوذهم وفي مناطق أعمالهم. حتى الأمراء sont différents. قال قد يكون هذا الأمير أميرا على قرية صغيرة. Il peut être أمير, أي responsable d'un village, responsable d'une ville, responsable d'une province, d'une région, responsable d'un pays. قال فتكون مسؤوليته صغيرة وقد يكون أميرا على مدينة كبيرة. فتكون مسؤوليته كبيرة وقد يكون مسؤولا عن أمة كالأمير الذي ليس فوقه أمير في منطقته كالملك مثلا هنا والرؤساء في البلاد الأخرى. ما نعم هؤلاء leur responsabilité est énorme. قال رحمه الله وكأمراء المؤمنين في عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وكالخلفاء في زمن بني أمية وبني العباس etc. هؤلاء leur مسؤولية عظيمة. مسؤولية الأمير أي le gouverneur, celui qui est responsable de toute la أمة. قال رحمه الله قال الرجل راع لكن رعيته محصورة وهو راع في أهل بيته وفي زوجته في ابنه في ابنته في أخته في عمته في خالته كل من في بيته هو راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. أما l'homme il est responsable de ses enfants bien sûr, de son épouse et tous ceux qui vivent sous son toit, il est responsable d'eux. قال يجب عليه أن يرعاهم أحسن رعاية. Vu que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à cet homme cette responsabilité, ce mu'min il doit faire des efforts في حسن الرعاية, que ça soit dans le fait bien sûr de leur enseigner l'islam, et ça c'est une mas'ouliya très très importante, de leur faciliter les choses pour qu'ils puissent apprendre leur dîn, mettre en application leur dîn, كذلك les préserver contre tout ce qui peut leur faire du mal, tout ce qui peut leur faire du mal dans leur dîn, ne pas faire rentrer une chose dans son foyer qui peut faire du mal à son épouse, à ses enfants. كذلك حسن الرعاية من حيث أنه يدوى subvenir à leurs besoins, tout ce qui est nourriture, vêtements, etc. فهذه الرعاية, que ça soit dans le domaine de l'éducation bien sûr, que ça soit dans le domaine religieux, que ça soit dans le domaine tout ce qui est dunya, alimentaire, vestimentaire, etc. فهو المسؤول. قال كذلك المرأة راعية في بيت زوجها. Et la femme كذلك elle est responsable في هذا البيت. Enfin, l'homme il est responsable de tout le monde et sa femme elle est responsable في هذا البيت. لماذا؟ لأن الرجل il sort, il m'a pour étudier, il m'a pour travailler, Dans notre dîn, l'homme, il sort, il a des choses, il a des préoccupations pour subvenir aux besoins de Ha'oula. Et la femme, elle est mis'oula, ra'iya fi hadha al-bayt. Quand le mari n'est pas là, c'est elle qui doit s'occuper de hadha al-bayt. Qala wa mas'oula an ra'iyatiha yajib 'alayha an tansah fi al-bayt, fi al-tabkh, fi al-qahwa, fi al-shay, fi al-furush. La tatbakh akthar min al-lazim. Il a cité cet exemple. Mathalan, hiya al-mas'oula. C'est elle qui est responsable de tout ce qui est lié à la nourriture, que ce soit pour son mari ou pour ses enfants. Elle doit faire des efforts pour remplir cette responsabilité, bien sûr, selon ses capacités. قال لا تطبخ أكثر من اللازم. Ça, c'est une حسن الرعاية. Elle doit faire des efforts quand elle prépare à manger, de ne pas préparer trop. قال ولا تجهز الشيء أكثر مما يحتاج إليه. لماذا؟ لأن التدبير c'est محرم, le gaspillage. التبدير c'est محرم. Pourquoi? Parce que cette ni'ma, on doit la préserver. قال يجب عليها أن تكون امرأة مقتصدة فإن الاقتصاد نصف المعيشة. وهذه نصيحة جميلة. أن cette femme, vu que c'est elle qui est responsable, vu que c'est elle qui va dire à son mari, tu dois acheter telle chose, on a besoin de telle chose pour les enfants, pour le foyer, pour, on parle l'exemple de la nourriture, elle doit faire des efforts vu l'iqtisad. وَلَا تَكُونْ مِنَ النِّسَاء qui ne font aucun effort fi hadha al-bab. Et Obama, à cause de ce manque d'effort, le mari, il souffre. La moitié qu'il emmène, ça va à la poubelle. لِمَادَ لِأَنَّهُ il y a un manque de ri'aya. Il y a un manque de dhabt fi hadhihi al-umur. Ça, c'est une responsabilité à ne pas négliger. Comme min al-azwaj, ils ont eu des problèmes à cause de ce point. À cause de ce point. Il y en a un des membres du couple, il ne fait pas d'économie. Il gaspille beaucoup. Ça a un impact sur toute la famille. Ce couple et leurs enfants, ils ont des besoins. Si on ne fait pas des économies dans les choses dont on n'a pas besoin, maintenant le gaspillage, si on doit manger pour 3 personnes, on fait pour 3 personnes. On n'a pas besoin de faire pour plus. Et هذه الزيادة, si on la préserve, alhamdulillah, on l'utilisera dans autre chose. Ça, c'est min shu'un al-mar'a. Qala ghayr mufrita fi ma yanbaghi. Naam, al-wasat. Ne pas se priver, bien sûr, les choses daruri, on a besoin. Et kadalik, ne pas gaspiller hakada, et il n'y a aucune faïda, bel c'est un péché. Qala mas'ulatun aydan an awladiha fi islahihim wa islah ahwalihim wa shu'unihim. كذلك هذا سي لا ريسبونسابيلتي دو لا فام اي اصلاح الاولاد الاولاد ils ont besoin de beaucoup de choses, que ce soit من حيث النظافه la propreté, que ce soit من حيث la tenue vestimentaire, que ce soit la nourriture, que ce soit le fait de dormir, les réveiller, les changer. كذلك par rapport au din, ils doivent apprendre des fondements. هذه سي من مسؤوليه المراه. Ça ne veut pas dire que l'homme, le mari, le père, il n'a aucun rôle à jouer fi hada. Là, قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كإلباس الثياب وخلع الثياب غير النظيفة. Donc ça, c'est une مسؤوليه المرأة. أما une femme qui néglige ce point, elle laisse ses enfants avec des tenues sales et elle s'occupe avec autre chose. Hada, c'est un manque de... C'est un manque de tarbiya, c'est un manque d'éducation. C'est un manque de cette femme par rapport à sa responsabilité que Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donnée. قال والتغيير فراشهم الذي ينامون عليه. كذلك l'endroit où ils ont dormi. Anna, c'est elle qui doit s'occuper de ranger, de... Khassatan quand ils sont petits, elle arrive à un certain âge, bien sûr, elle doit les éduquer pour que al-awlad yata'awanoun ma'aha. Si cette femme au départ, elle donne une bonne éducation à ses enfants et elle prend le temps, et ces choses, ça passe avant beaucoup de choses. Ahyanan sahih anna cette femme elle peut être occupée par quelque chose de avant. Et fi hada al-hal, ça arrive pas tous les jours bien sûr, Lakin, كثير من النساء, elles délaissent ce genre d'obligation qui font partie de sa mas'ouliya pour d'autres choses et à la fin, elle se fait du mal à elle et à ses enfants. Même avec une bonne éducation, à ses enfants arrivés à un certain âge, eux-mêmes, ils vont faire beaucoup de ces choses seuls. Belles, ils vont aider leur mère et leur père. قال رحمه الله وتغطيتهم في الشتاء وهكذا نعم quand il fait froid les couvrir مسؤولة عن كل هذا مسؤولة أو نعم مسؤولة أي هي المرأة عن الطبخ وإحسانه ونضجه وهكذا مسؤولة عن كل ما في البيت نعم que ce soit la nourriture que ce soit les enfants que ce soit la propreté tout ce qui est lié au بيت il y en a une maison, un appartement, un foyer, ça a besoin d'un entretien. Bien sûr, ça a besoin d'une organisation pour manger à l'heure, pour faire la salat à l'heure, pour dormir à l'heure, la propreté, etc. C'est muhim. Ça, c'est min shu'un al-mar'a. La femme, et c'est une nasiha, si une femme, elle n'a pas encore cette responsabilité, elle vit encore chez ses parents, là, chacun n'a, c'est pas la même responsabilité que si elle se marie. Enfin, si elle se marie, elle doit bien prendre en compte هذا. في الإسلام في السنة المرأة a un rôle bien précis que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité في هذا الحديث. Donc, si cette femme elle se marie, خاصةً avec un homme qui suit الكتاب والسنة et qui a ses principes et qui veut fondre son foyer sur ce genre de hadith, chacun a sa place. Chacun sa responsabilité. Elle doit se préparer à ça. Et on le répète, beaucoup de problèmes dans les couples, c'est par rapport à ce point. Une des causes, c'est ce point. Elles disent directement à leur mari, je ne suis pas là pour ça. Et elles délaissent leurs obligations pour autre chose, pour aller rendre visite à un tel, pour aller... Ces obligations, elles passent même avant les parents. Pourquoi ? Il s'est marié avec cette femme et cette femme elle a des huquq et elle a des wajibat. Et min wajibat, c'est de s'occuper de son foyer et de son mari. Avant les autres choses. Elle doit prendre cela en considération. Et on ne doit pas... Les ennemis de l'islam, vu qu'ils n'ont pas pour principe le Coran ou le Sunnah et ce genre de hadith, leur mode de vie les contredisent totalement. Vous avez remarqué que l'homme et la femme ils sont au même niveau via hadith l'umour. L'homme il sort le matin travailler, la femme kadalik elle sort. L'homme il rentre, il ne trouve rien à manger, kadalik la femme elle ne trouve rien. Il doit se débrouiller seul. Et ces couples ils ne donnent pas kadalik haq al-awlad. Les enfants ils sont déposés le matin à la crèche ou à l'école, ils sont récupérés le soir. Allahu a'lam, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Qu'est-ce qu'ils ont bu? Ça, c'est pas min husn al-ri'aya. Le musulman, le sunni, il doit faire des efforts dans ce bab. On a des modèles. Notre modèle, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu salam. Nos modèles, c'est les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ils avaient un mode de vie bien précis. C'est chacun. Il remplit ses responsabilités et il respecte l'autre. Vous verrez que beaucoup de mashakil, beaucoup de problèmes qui arrivent au sein des couples, ils disparaîtront. Et chacun, il doit se rappeler هذا الحديث. Il y en a quand l'homme il dit à sa femme fait telle chose, il a akhiré. C'est pas pour son mal. C'est pas parce qu'il a de l'orgueil, il a akhiré. Là, c'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné هذه المنزلة. كذلك la femme avec son mari, la même chose. S'il sort, si kada, c'est par rapport à بعض الحاجات. On doit toujours prendre en considération مثل هذه الأحكام. لأن السنة والإسلام, ce n'est pas qu'avec la langue. Si on prend ce principe, مثلا, chacun sa responsabilité, on a un hadith clair, hadith Ibn Umar radiyallahu anhuma, qu'on vient de lire, sahihain, et on doit mettre en application. Ça ne doit pas être une étiquette qu'une apparence. Je suis à la sunnah en apparence et vilbeit, on contredit la sunnah. Là, on doit être min ahl sunnah en apparence, avec la langue, avec nos, avec nos membres, avec notre façon d'agir, notre comportement. Qabla dhalik, tout cela fondé sur une aqida solide, fondée sur Tawhidullahi subhanahu wa ta'ala. Hadha al-hadith, hadithun azim. La référence donc, Sharh Riyad al-Salihin, de Cheikh al-Uthaymin, rahmatullah alayh, le 35e chapitre, puis حق الزوج على المرأة, le droit du mari sur la femme. قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى. أما ابن حبان, il va surtout traiter le point concernant le gouverneur. أي المسؤولية الكبيرة والعظمى, مسؤولية الأمير على شعبه, على أمته. Et walillah alhamd, il y a quelques semaines, on a terminé l'étude de la Risala de Cheikh Abdus Salam ibn Barjas rahmatullah alayhi sur les gouverneurs. Enfin, on va pas détailler هذا الباب. Lakin, par rapport à cette responsabilité, l'imam Abu Hatim rahimahullah, il a cité des fawaid jamila. Amma les autres responsabilités, on a lu min kalam Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah walhamdulillah. قال أبو حاتم رحمه الله صرحت السنة عن المصطفى بأن كل راع مسؤول عن رعيته فالواجب على كل من كان راعيا لزوم التعاهد لرعيته. Donc c'est une أمانة عظيمة. Et cette أمانة, qui c'est qui l'a cité? C'est أفضل الخلق, c'est le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. كلكم راع وكلكم مسؤول. ثم il a donné à chacun sa responsabilité, le gouverneur, le père de famille, la mère de famille, etc. On doit se rappeler ce genre de hadith. Il y en a des manquements, ça arrive. Si on prend l'exemple de mas'ouliyatu al-mar'a, la responsabilité de la femme ou de son mari, bien sûr qu'il y aura des manquements. L'insan, il a des faiblesses, il a des hauts, des bas. Et la vie de couple, ça dure des années, des décennies, rubbama. Lakin, quand on a un waf, quand on a des manquements, quand on sent que ça va mal, se rappeler ce genre de hadith. Et se rappeler que هذه المسؤولية, c'est pas le mari qui l'a donné. Là, cette مسؤولية, cette responsabilité, ça fait partie de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc, se rappeler ce genre de hadith, on le répète, ça motive pour entretenir, pour faire des efforts في هذه المسؤولية. قال فروعات الناس العلماء وراعي الملوك العقل وراعي الصالحين تقواهم وراعي المتعلم معلمه وراعي الولد والده كما أن حارس المرأة زوجها وحارس العبد مولاه وكل راع من الناس مسؤول عن رعيته. Il a cité plusieurs exemples. La responsabilité du mari sur sa femme et ses enfants, la femme par rapport à son foyer, le père sur son enfant. وهكذا. قال وأكثر ما يجب تعهد الرعية للملوك إذ هم رعاة لها وهم أرفع الرعاة لكثرة نفاد أمورهم. Il n'y a aucun doute أن la responsabilité la plus importante, c'est la responsabilité du أمير, du roi, du président, du gouverneur de telle région. قال رحمه الله وعقد الأشياء وحلها من ناحيتهم. Donc ils ont une مسؤولية عظيمة. Combien de choses que le muslim il a besoin, et cette chose elle est liée directement à la décision de ce amir, de ce gouverneur, de ce roi, de ce président, de ce ministre, de ce maire. فلهذا leur responsabilité elle est énorme. قال فإذا لم يراعوا أوقاتهم ولم يحتاطوا لرعيتهم هلكوا وأهلكوا. S'ils ne prennent pas le temps et s'ils ne craignent pas Allah في هذه المسؤولية, dans cette responsabilité, ils se feront beaucoup de mal et كذلك ils feront du mal aux autres. قال رحمه الله الواجب على السلطان قبل كل شيء أن يبدأ بتقوى الله وإصلاح سريرته وإصلاح سريرته بينه وبين خالقه. Ça c'est pour le sultan et c'est pour tous ceux qui ont une responsabilité. Si tu te bases dans ta vie de tous les jours et Bien sûr, ça va englober cette responsabilité sur taqwallah, sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa islah sariratihi baynahu wa bayna khaliqih. Kadhalik, tu es sincère, tu veux le bien, tu fais des efforts, Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilitera. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Il y a rien de cette responsabilité, encore plus la responsabilité du sultan, du gouverneur. Il y a beaucoup d'obstacles. Les ennemis, les ignorants, les dettes, le peuple, etc. Beaucoup de choses. Enfin, si le sultan est à notre échelle, le père de famille, la mère de famille, ils ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala et ils sont livrés à eux-mêmes et Allah subhanahu wa ta'ala ne les wafak pas, il ne les guide pas, ils auront beaucoup de mal à remplir cette responsabilité. قال ثم يفكر فيما قلده الله من امور اخوانه ورفعه عليهم كذلك se rappeler de cette responsabilité مثلا من الامور النافعه pour السلطان pour الامير c'est de se rappeler que يوم القيامه il rendra des comptes tous ces gens, toutes ces personnes, est-ce qu'ils ne subissent pas d'injustice? Est-ce qu'ils ont le hukuk? Est-ce qu'ils ont leurs droits? Etc. وتقدم معنا des أمثلة طيبة dans سيرة الخلفاء الراشدين. L'exemple de Omar radiallahu anhu avec cette femme qu'il a entendu la nuit avec ses enfants qui pleuraient, qui avaient faim. وقام بمجهود عظيم. Pourquoi? لأن عمر رضي الله عنه il faisait partie des gens pieux, c'était le meilleur de cette communauté. Après Abu Bakr رضي الله عنه et le prophète bien sûr عليه الصلاة والسلام. هذه التقوى le poussait à ce genre de choses. قال ورفعه عليهم وليعلم أنه مسؤول عنهم في دق الأمور وجلها ومحاسب على قليلها وكثيرها. Et ça, kadalik, c'est muhim. Quand tu es responsable, tu es responsable de ta responsabilité, que ce soit les grandes choses, les petites choses, les choses claires, les choses moins claires, tu es responsable, tu es responsable. Et kadalik, les comptes, yawm al-qiyama. Wa muhasabun ala qaliliha wa kathiriha. L'insan, il rendra des comptes sur cette responsabilité, sur les petites choses et les grandes choses. قال ثم يتخذ وزيرا صالحا عاقلا عفيفا نصوحا وعمالا صالحين بررة راشدين. Et ça, c'est min anfa ma yakun. Ça, c'est parmi les choses très très importantes pour que l'amir il puisse remplir, il puisse yakum bi hadhihi al-mas'uliyya ahq ou ahsan al-qiyam. C'est d'être entouré par des gens pieux, des ministres comme a قال صالحين عقلاء qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, et كذلك عمال des gens qui travaillent pour lui, كذلك des gens pieux. قال واعوانا مستورين وخدما معلومين ثم يقلد عماله ما لا غنى له عنهم ويشترط عليهم تقوى الله وطاعته واخذ المال من حله وتفريقه في اهله. Pourquoi هذا c'est important? لان كما لا يخفى ان الامير peut pas tout faire. Amir Balad, c'est un être humain. C'est un être humain, il doit dormir, il doit manger, il doit se reposer, il a une famille, il a beaucoup de choses. Enfin, il ne peut pas connaître tout, savoir tout, se déplacer partout. Ça reste un être humain. Il a besoin de Awan. Et s'il est bien entouré, tout le monde en profitera. Le gouverneur, il en profitera et le peuple, il en profitera. S'il est mal entouré, ça fera du mal à ce gouverneur et kadalik au peuple. Falihada min al-muhim, c'est d'invoquer, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'al li umra'ina al-bitana as-saliha. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il entoure nos gouverneurs dans les pays musulmans de gens pieux, de gens honnêtes, de gens qui ont de la science, des gens qui conseillent. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yub'id anhum al-ashrar min ahli al-khiyana wal-khida' wal-bida' wal-dalal. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il écarte d'eux les innovateurs, les mauvaises personnes qui pensent qu'à dunya. قال ثم يتفقد أمر بيت المال بأن لا يدخل أن يدخله حبة فما فوقها من قهر أو جور أو سلب أو نهب أو رشوة فإنه مسؤول عن كل ذرة منه. كذلك الأمير doit faire attention à l'argent. بيت المال. بيت المال c'est l'argent de l'État. Ce qu'ils appellent le trésor public de nos jours. بيت المال فهذا من مسؤولية الأمير. Faire attention que هذا المال qui rentre, ça soit من الحلال. Et كذلك هذا المال qui sort, il arrive aux ayants droit, à ceux qui méritent. قال ومحاسب عن كل حبة فيه. Chaque حبة, chaque centime, chaque pièce, chaque billet, هذا الأمير il aura des comptes à rendre. قال ثم لا يخرجه إلا في المواضع التي أمر الله جل وعلا في سورة الأنفال والحشر. نعم. Des gens, des personnes, des endroits précis où cet argent doit être dépensé. قال أبو حاتم رحمه الله ولا يجب للعاقل طلب الإمارة لأن من أوتيها عن مسألة وكل إليها ومن أعطيها من غير مسألة أعين عليها. Le résumé qu'on vient de faire, le kalam il est tawil, lakin ce qu'on a cité inshallah ta'ala fihi kifaya. Tu t'aperçois clairement, directement, anna la responsabilité du amir elle est énorme, et les risques ils sont encore plus énormes, et le danger il est très très important. Est-ce qu'il va réussir à remplir, à faire face à cette responsabilité amla. Falihada jaa fi al-hadith que Ibn Hibban il a cité huna. Cette phrase qu'il a citée, c'est un hadith. Hadith Abdurrahman Ibn Samura radiyallahu anhu. Qala li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya Abdurrahman Ibn Samura. Abdurrahman Ibn Samura radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marra il l'a interpellé. Il lui a dit ya Abdurrahman, لا تسأل الإمارة. Ne demande pas l'إمارة. الإمارة c'est cette responsabilité, et d'être un amir, d'être le guide, d'être l'imam, d'être le roi, le président. Ne demande pas هذا. لا تسأل الإمارة. فإنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت فيها. Si tu la demandes, si tu demandes à être amir, à être l'imam, le gouverneur, le roi, وَكِلْتَ فِيهَا إِلَى نَفْسِكَ, et tu seras livré à toi-même. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te wafiqera pas. لا يوفقك. فَلِهَذَا قَالَ قَالَ وَكِلْتَ فِيهَا إِلَى نَفْسِكَ, tu seras livré à toi-même. وَمَا بَالُكَ أَخِي الْكَرِيمِ, celui qui est livré à lui-même dans une petite chose, il ne peut pas s'en sortir. لِمَاذَا لِيَنَا الْإِنسَانِ الْضَعِيفِ. C'est pour ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne nous livre pas à nous-mêmes ولو un instant طرفه عين كما جاء في الحديث. لأن الإنسان s'il est livré à lui-même ولو un court instant, il peut périr, il peut faire du mal, il peut se faire du mal, il peut être injuste, il peut subir une injustice, il peut s'égarer. Et là, on demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala أن يحفظنا. Et من هنا tu t'aperçois de la gravité de demander à l'Imara comme ils font l'un. À notre époque, Al-Ba'd, il se présente aux élections et il se met en avant, et des affiches et un programme, et je vais faire. Et tu trouves, ha'oula, la yuwaffaqoun. Pourquoi ? Parce ils contredisent هذا الحديث العظيم. Et ça ne fait pas partie de notre dîn. Tadkurun, dans la risala qu'on a, ou plutôt les doros qu'on a fait sur Al-Khulafa, la façon dont Al-Umara s'est devenu des Khulafa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est décédé, les sahaba ils ont choisi Abu Bakr. C'est pas Abu Bakr qui s'est présenté et qui a demandé. Là, ils lui ont demandé, tant ta main, ils lui ont fait le bay'a. Thumma, Abu Bakr, il a désigné directement Omar. C'est pas Omar qui a demandé ou qui s'est mis en avant. Abadan. Thumma, Omar radiyallahu anhu, il a désigné six compagnons. Les meilleurs compagnons qui était à ce moment après Omar radiyallahu anhu, Ali, Uthman, Talha, Zubayr, Abdurrahman ibn Auf, Thumma, ils ont choisi Uthman, radiallahu ta'ala, an. Thumma, après la mort de Uthman, là, chacun a le meilleur compagnon, c'était Ali, fait Ali, c'est devenu Amir al-Mu'minin, wa hakada. Mais ce qui se passe à notre époque, on a le wahed pour devenir Amir, Obama la corruption. Obama, il donne de l'argent, Obama, il ment, il va faire. Fahaoula, là, ils wafakoun. Thumma, ils ont beaucoup de problèmes, Thumma, ils sont accusés. Obama, ils subissent des injustices, Obama, ils en commettent. Fahadar. ومن هذا الباب لا تتعاون avec celui qui demande الإمارة. فهذه une فائدة. أن أنت ne t'entraide pas avec هؤلاء. Quand il y a des élections, ne vote pas. أولا, c'est un système qui contredit le kitab au sunnah. Ça vient des kafara. كذلك, c'est cette demande et se met en avant ou pour des certaines choses. فلا تتعاون معه. قد يقول قائل, si devient président ou amir, si tu es dans un pays musulman et ça devient un président, c'est le gouverneur. Tu l'écoutes, tu obéis et tu fais du'a pour lui. Lakin, la tata'awun fi hada. Tu restes à ta place en tant que sunni, occupe-toi de ma yamfa'uk et ça devient un président ou autre. Falahu as-sam'u wat-ta'a. Tant que c'est un musulman, on obéit et on écoute. Fi ta'atillah, bien sûr. Fi ghayr al-ma'siyah. Dans un autre hadith qu'on peut citer, huna, pour montrer l'énorme responsabilité qu'ils ont, haoula. Falihada, wallahi, ya ikhwan, anahum, ils ne sont pas enviés. Si c'est des musulmans, nos gouverneurs, on doit s'entraider, ma'ahum, avec dua. Et bien sûr, on ne les critique pas. Et on n'appelle pas à la révolte, ben on patiente. Et on fait dua pour eux, on leur obéit. Et leur place, celui qui connaît as-sunnah, il doit être reconnaissant. Anahum, il n'a pas été éprouvé par cette responsabilité. اسمع الى حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امير عشرة اي tous ceux qui ont une responsabilité sur 10 personnes. Amir عشرة, que ça soit un maire d'une petite ville, bien sûr président, roi ou autre, tous ceux qui ont cette mas'ouliya, ma min amir 10 إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا يوم القيامة il aura les mains attachées مغلولا il sera attaché. قال عليه الصلاة والسلام لا تكفه إلا العدل أو يوبقه الجور. إما il sera détaché, il sera délivré de ses chaînes. لماذا؟ لأنه il était juste. Ou il périra à cause de son injustice. Une des deux. Falihada, tu es fi salam azim. Cette petite responsabilité que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donnée. Tu es père de famille. Tu es mari. Tu as la responsabilité de... c'est toi qui as la responsabilité de ta femme plutôt. Fais des efforts. Crains Allah. Essaye d'être juste si tu t'es trompé. Réforme-toi. Repens-toi. Et ihmadillah que tu n'as pas été éprouvé par هذه المسؤولية. Avec tous les problèmes et les soucis que ça comporte في الدنيا. لأن هؤلاء qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite et les gouverneurs musulmans, c'est très très difficile في الدنيا. La تظن أنهم ils dorment comme tu dors. لأنهم ils n'ont pas de soucis. Et أنهم ils profitent de leur richesse matin et soir. أبداً. C'est très très difficile. Et ma hada yawm al-qiyamah, ça peut être encore plus difficile. Qala, on revient à la parole de Abu Hatim, le premier hadith qu'on a cité, rawah al-Bukhari wa Muslim, ay ya Abdurrahman la tas'al al-imara, et le deuxième hadith Abi Hurayra qu'on vient de lire, akhrajahu al-Imam Ahmed dans Musnad, et Cheikh al-Albani rahimahullah il l'a sahih dans as-sahih. Qala Abu Hatim rahimahullah wal yalzam al-mashura, فإن في المشورة صلاح الرعية ومادة الرأي. وهذا تقدم معنا un chapitre sur المشورة, sur la consultation. هذا c'est très très profitable pour tous les degrés qu'on vient de citer, que ce soit le père de famille, que ce soit le professeur, que ce soit le chef d'entreprise, que ce soit le roi, le président. المشورة c'est tayyib et c'est navi', c'est très très profitable. Et al-mashura huna, c'est bien sûr consulter ahlul ilm wa al-uqul salima, al-muwaffaqin, al-sulaha, هؤلاء, le fait de les consulter, c'est très très profitable. قال أبو حاتم رحمه الله رؤساء القوم أعظمهم هموما وأدومهم غموما وأشغلهم قلوبا وأشهرهم عيوبا وأكثرهم عدوا وأشدهم أحزانا. هذا c'est pour montrer l'importance de cette responsabilité et la difficulté. Tu trouves les gens qui ont plus de soucis, qui ont le plus de tafkir, ils réfléchissent daiman et ils sont tristes souvent, ils ont du mal à dormir avec tous les problèmes, tout ce qu'ils entendent, ils ont accès à des informations, ils subissent des pressions dont on n'a pas connaissance. Falihada al-abd al-mu'min, il doit avoir de la rahma envers son gouverneur. Donc c'est un muslim. Bien sûr qu'ils ont des manquements, bien sûr qu'il y a des péchés répandus, bien sûr que dans certains endroits, il y a de l'injustice. Lakin wallahi, beaucoup de ces choses, kadalik hum, ils le subissent. Et les ennemis de l'islam, la yarhamoun, encore plus nos gouverneurs. Ce n'est pas mina sunna, ce n'est pas mina rahma, de kadalik de nahnu d'en rajouter. Ce gouverneur, malgré sa responsabilité, malgré son haut rang, malgré sa fonction, ça reste un frère musulman. والله سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم. Ça reste ton frère et ton frère il a des حقوق. بل comme on a vu dans la risala qu'on a cité précédemment qu'on a fini il y a quelque temps ولله الحمد. الأمير il a un حق عظيم sur toi. Donc le moins qu'on puisse faire vu qu'on connaît l'importance de leur mas'ouliya et la difficulté, le moins qu'on puisse faire c'est atta'a. Et nahmadullah subhanahu wa ta'ala qu'on n'a pas été éprouvés parce qu'ils ont été éprouvés. Bardannas à cause de leur ignorance, et vu qu'ils pensent qu'à dunya, et vu qu'ils sont bornes, ils regardent que d'un œil. Et même l'œil qu'il leur reste, ils ont du mal à avoir. Enfin, ils pensent que être roi, être ministre, être président, il a akhiré, c'est que du bien. Ils pourraient s'ignorer tout de suite. Les mal à l'ignorance. Le hadith qu'on a cité, hadith Abi Huraira, radiyallahu anhu, il suffit pour que tu sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas été éprouvé par cette mas'ouliya. Qala wa min ahsan ma yasta'in bihi as-sultan ala asbabihi ittikhad wazirin 'afifin nasihin ala ma taqaddam dhikruna lah. Hada taqaddam ma'ana anna pour alléger, pour faciliter les choses. Faminat Tawfiq, c'est que ce sultan, il s'entoure avec des gens pieux. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على من ملك أمور المسلمين الرجوع إلى الله جل وعلا في كل لحظة وطرفة لئلا يطغيه ما هو فيه من سلطته. الواجب, c'est une obligation pour tous ceux qui ont une responsabilité, encore plus si cette fonction, cette responsabilité, elle est énorme. Comme as-sulta al-amma, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite, qu'il leur ouvre les portes. قال لئلا يطغيه ما هو فيه من سلطته بل يذكر عظمة الله وقدرته وسلطانه وأنه هو المنتقم ممن ظلم والمجازي لمن أحسن. Et ça c'est نافع. Celui qui a une responsabilité, fais attention. Le shaitan, il ne le pousse pas à s'enorgueillir et penser qu'il est capable de faire telle et telle chose et les gens ils ne peuvent pas répondre. Thomas, ça le pousse à être injuste. C'est de se rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Qawi, c'est l'Aziz, c'est le Jabbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste les injustes. Qala وأنه هو المنتقم ممن ظلم يا الله سبحانه وتعالى كذلك يسكر ses serviteurs s'ils subissent une injustice. Tout ça, ça doit nous pousser, même si on a une responsabilité, que ce soit envers notre femme, envers nos enfants, ou celui qui a encore une plus grande responsabilité, un chef d'entreprise, un maire, un gouverneur de telle province, un roi, un président, de craindre Allah et de se rappeler de هذا أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste l'injustice et les injustes. Enfin, ça pousse l'insan à craindre Allah. L'être humain, il est hakada. quand il a cette responsabilité. Et sous sa responsabilité, il y a une personne faible, le shaitan, il le pousse à dépasser les limites. On doit craindre Allah encore plus quand l'insan, il a de l'argent et des gens avec lui. L'insan yatra, il dépasse les limites, il devient injuste. Quand il sent qu'il s'est enrichi, que ce soit istarna bil mal ou bil awan, que ce soit un enrichissement avec l'argent ou il y a des gens ma'a. C'est pour ça que tu trouves wa'd an-nas. Quand ils sont seuls, ils ne sont pas injustes. Quand ils sont seuls, ils ne sont pas injustes. Quand ils sont en groupe, en bande, tu les trouves un shaitan, il les pousse à être injustes. Les ma'a, les ennemis, ils pensent qu'ils sont intouchables. On doit craindre Allah. Allah Azza wa Jalla, il voit tout. Que tu sois seul ou en groupe, tu as de l'argent, amla. Tu as une responsabilité, amla. Qala rahimahullah, falyalzam fi imratihi. Imrati, aïe, sa fonction, le fait d'être amir. As-suluk alladhi yu'addihi l'aktisab al-khayr fi d-darayn, wal ya'tabir biman madha qablahu min ashkalihi. Et ça, c'est important, kadhalik, à savoir, anna ma'a la dangerosité de cette fonction et l'énorme responsabilité, anna celui qui craint Allah, qui est sincère. Enfin, la récompense, elle est énorme. Et Cheikh Abdul Salam, il avait cité ce point, anna les gouverneurs justes, ils font partie des croyants qui auront une des plus grandes récompenses. Pourquoi ? La fonction, elle était énorme, la responsabilité, elle était très très importante, ça demandait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Al-jaza min jins al-amal, ils seront récompensés par rapport à cette difficulté. قال وليعتبر بمن مضى قبله من اشكاله لانه لا محاله مسؤول عن شكر ما هو فيه كذلك من النافع c'est de se rappeler de ceux qui étaient قبله من الامراء et Allah subhanahu wa ta'ala il a cité plusieurs exemples parmi eux Pharaon et Qarun ils avaient le mulk mulk Misr c'était les rois les gouverneurs d'Égypte. Le roi, c'était Pharaon et un de ses ministres, c'était Qarun. Et ils avaient énormément d'argent. Et ils ont semé la corruption. Et ils ont fait beaucoup d'injustice à leur peuble. Et man ta'ammala 'aqibat ha'ula. C'est valable pour le gouverneur et pour les autres. Celui qui réfléchit sur ce genre de récit que Allah il a cité dans le Coran, ça va le pousser à ne pas être injuste, à craindre Allah et à ne pas dépasser les limites. قال لأنه لا محالة مسؤول عن شكر ما هو فيه كما هو لا محالة مسؤول عن حسابه. Et ça c'est من أنفع ما يكون. Se rappeler أن الإنسان يرندرا دي كونت. هذا ما يتعلق بهذا الباب le 48e donc sur les responsabilités que le mu'min il peut avoir. Que ça soit un gouverneur bien sûr ou au président, un père de famille, une mère de famille. Ou autre, face celui qui a une responsabilité, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال كلكم ra'in wa كلكم مسؤول عن ra'iyyati. Vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés sur cette responsabilité que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné. فَنَسْأَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَهْدِي وُلَاةَ أَمْرِنَا إِلَى كُلِّ خَيْرٍ ونسأله عز وجل التبات حتى نلقاه والحمد لله et on passe au درس suivant إن شاء الله